Alors, la rencontre avec Chemeka Copeland, eh bien, figure-toi que ça s'est fait via son manager qui nous a vu jouer à Lafayette, en Louisiane. Mais il s'est rapproché de nous, puis il a dit, voilà, j'adore ce que fait le groupe et tout, et puis j'aimerais bien qu'on collabore. Moi, je suis manager d'une artiste qui s'appelle Chemeka Copeland. Il se trouvait que moi, j'en avais entendu parler de Chemeka via notre tourneur historique, Jean-Hervé Michel, qui travaillait avec elle pour la France. Je connaissais ce nom, sa réputation, donc c'était un plaisir d'avoir l'opportunité potentiellement de travailler avec elle. Et effectivement, quelques mois plus tard, son manager, John, toujours me contacte et me dit « Voilà, on va enregistrer un nouvel album et on aimerait amener ce côté un peu delgrécien dans certains titres. » Donc lui, en fait, il a fait les textes qu'il m'a envoyés. Puis j'ai fait les musiques sur ces textes à lui, John, son manager, qui écrit également ses textes. Ça a super bien marché, quoi. Donc, c'est vraiment très, très agréable, très fluide, la collaboration. Chemeka a essayé de chanter, et puis évidemment, tout de suite, c'était dedans, quoi. C'était direct. Il y a même un peu de français dans son texte. Pareil, elle s'y est attelée et a fait ça brillamment. Grande, grande dame, grand respect. Je m'estime très, très chanceux de pouvoir collaborer avec quelqu'un comme ça, qui est vraiment une héritière de Coco Taylor, de toutes ces femmes du blues très, très fortes et belles. J'espère que son album fera un beau parcours.